les gros frérots. Dans le ghetto tu trouves des escrocs, des braqueurs, des cisgros, des voleurs amateurs. Tu micro, tu double, tu perds tout, demande à corbeau. Nos mères pleurent quand le globe tous quand y'a le giro. Le bloc pousse, les petits rois s'entretuer pour deux ou trois billets, les minots sont prêts à plier. Déchirés, trahis, le cœur plein de haine. On écrit dans la merde car au cœur des problèmes. On a trop les gros pour rester là, les bras croisés en attendant qu'on nous braque, qu'on nous poisse, qu'on nous tende là. Mais il y a du croco, l'emblème, les chevauchés c'est trop tentant. Alors on brasse, boit, fume sans attendre deux. Mais on a trop les gros pour rester là, les bras croisés en attendant qu'on nous braque, qu'on nous poisse, qu'on nous tende là. Mais il y a du croco, l'emblème, les chevauchés c'est trop tentant. Alors on brasse, boit, fume sans attendre deux. Mais 3-0-900, 30 sur la plaque, 30-30 pour les PD qui balancent à la PAC. Chaque apparition, je baisse la PAC. Ici c'est des SS pour les frères, pour les sœurs, pour tous ceux qui ont les gros, qui ont dos les RG. Les gens urbaines, c'est du PC danger. Dans les subs, c'est danger. Pour ne pas changer, y'a trop de frères enragés, trop de guns chargés. Trop, les gros, jusqu'à bouffer le micro. Comme mes rebeux, mes noirs et mes négros. Trop besoin de croquer ma part du gâteau. Le ghetto fume le temps comme des bêtos. J'ai trop squatté sous les poches, braqué par les torches. Et maintenant, comme les proches, j'ai rien dans les poches. Je joue un cerf de torche à mon esprit quand je rêve de Porsche. Du temps que je gaspille. On a trop les gros pour rester là, les bras croisés en attendant qu'on nous braque, qu'on nous poisse, qu'on nous tende là. Mais il y a du croco, l'emblème, les chevauchés c'est trop tentant. Alors on brasse, boit, fume sans attendre deux. Mais on a trop les gros pour rester là, les bras croisés en attendant qu'on nous braque, qu'on nous poisse, qu'on nous tende là. Mais il y a du croco, l'emblème, les chevauchés c'est trop tentant. Alors on brasse, boit, fume sans attendre deux. J'ai mal, mais comme le jour d'un deuil, lassitude, trahison. Je suis un homme faible qui veut qu'un autre paye. J'y peux rien si mon carine veut prendre le dessus. Mais je suis trop déçu quand pour la gloire on se tire dessus. À qui la faute si on se mange entre nous? Qui prendra ma défense si on se divise entre nous? Ça les amuse quand on se flingue entre nous. Car on se serre les coudes quand on s'enfonce entre nous. Je veux la peur comme Tony vu que ce monde est nôtre. Être le futur par la coque ou attaquer dans cette banque. Séquestrer cette putain d'époque en plastifiant les portes. Aucun flic ni aucune peine m'empêchera de baiser la proche. J'ai plus rien si ce qui sort de ma bouche te choque. J'ai plus à y perdre qu'à y gagner. Je joue pas sur la provoque. J'ai plus rien si la fin pousse à se tirer dans les pattes. Ils veulent tirer sur le buzz avant même qu'on l'éclate. Ma musique, mon art, contre rien je pourrais les troquer. Dans cette pomme j'ai buzz qu'est la gloire j'aurais pas troqué. Talent ouais mais les moyens n'ont pas toujours été là. Psychotage Ortex le soir sur mon épéda. Depuis l'époque TPA a envie de percer. Les événements de ma vie sont venus tout bouleverser. J'appuie sur start alors où certains partent. Besoin de personne désormais c'est dans nos mains que sont les cartes. On a trop les gros pour rester là, les bras croisés en attendant qu'on nous braque, qu'on nous poisse, qu'on nous tende là. Mais il y a du croco, l'emblème, les chevauchés c'est trop tentant. Alors on brasse, boit, fume sans attendre deux. Mais y'a trop les gros pour rester là, les bras croisés en attendant qu'on nous braque, qu'on nous poisse, qu'on nous tende là. Mais il y a du croco, l'emblème, les chevauchés c'est trop tentant. Alors on brasse, boit, fume sans attendre deux. Impossible est la réussite, ça c'est ce que disent les faibles. La nuit on rêve, le jour on se perd, les yeux grands ouverts. Les housses poussent au fait d'hiver. Tous les frères on les canine aiguisé. Crise et la pluie sur le terre-terre. Mon ghetto une sphère et on est pris dans leur enfer. Enfermé dans nos remparts à en pourrir le peu d'air que l'on respire. Dans l'équipe de cannibales, on a les crocs, on a la dalle. Équipe d'escrocs sur une putain d'instrumental. C'est plus nous tirer des balles, pas qu'on piche que dalle. Les frères perdent les pédales, je lâche quelques rafales. Prends de monopole, frappe des connes pour qu'on décolle. Et comme les traîtres qui déconnent, dans mon quartier c'est l'Amazon. C'est trop de potes qu'on emprisonne, une justice qu'on empoisonne, une jeunesse qu'on abandonne, sous de Nîmes, l'Amazon. On a trop les gros pour rester là, les bras croisés en attendant qu'on nous braque, qu'on nous poisse, qu'on nous tende là. Mais il y a du croco, l'emblème, les chevauchés c'est trop tentant. Alors on brasse, boit, fume sans attendre deux. Mais on a trop les gros pour rester là, les bras croisés en attendant qu'on nous braque, qu'on nous poisse, qu'on nous tende là. Mais il y a du croco, l'emblème, les chevauchés c'est trop tentant. Alors on brasse, boit, fume sans attendre deux. Mais